FrenchPod.com. Tu es marié ? Non. Moi non plus. Je suis célibataire. Elle est fiancée. C'est ma fiancée. Oh, oh, aïe, oh, oh.